ça facile. Mes paroles, c'est vent, c'est gestes qui mettent tout. T'en parler sans pas connaître, t'en juger sans réfléchir. Quand c'est un flair à piquant, l'homme en panique klaxon. Alors se laisser la vie là où l'est haut. C'est passé, nous qu'a passé. Pamele, pamele, pamele, pamele, si sa ki fa kagade. Oh, no, no. Pamele, pamele, pamele, pamele, si sa ki fa kagade.